Et c'est que la succession de la mère monte à plus de 300 000. Alors, mon Vauquer, en forme ce soir? Eugène entendit ces paroles sans pouvoir y répondre. Il sentait sa langue collée à son palais et se trouvait en proie à une somnolence invincible. Bientôt le bruit s'apaisa, les pensionnaires s'en allèrent un à un. Puis, quand il ne resta plus que Madame Vauquer, Madame Couture, Mademoiselle Victorine, Vautrin et le père Goriot, Rastignac aperçut, comme s'il eût rêvé, Madame Vauquer occupée à prendre les bouteilles pour en vider les restes de manière à en faire des bouteilles pleines. Oh, sont-ils fous? Sont-ils jeunes? Ce fut la dernière phrase que put comprendre Eugène. Il n'y a que Monsieur Vautrin pour faire de ces farces-là. Allons, voilà Christophe qui ronfle comme une toupie. Adieu, maman. Je vais au boulevard admirer Monsieur Marty dans le Mont Sauvage. Si vous voulez, je vous y mène, ainsi que ces dames. Ah, je vous remercie. Bah comment, ma voisine? Il nous est défendu d'aller à la comédie. Allons. Les voilà partis, ceux-là. Vautrin remua d'une manière comique la tête du père Goriot et celle d'Eugène. En plaçant la tête de l'étudiant sur la chaise pour qu'il pût dormir commodément, il le baisa chaleureusement au front. Dormez, mes chers amours, pour vous je veillerai toujours. J'ai peur qu'il ne soit malade. Restez à le soigner alors. Il vous adore, ce jeune homme. Et vous serez sa petite femme, je vous le prédis. Allons, maman. Mettez le chapeau, la belle robe à fleurs, l'écharpe de la comtesse. Je vais vous aller chercher un fiacre soi-même. Mon Dieu. Dites donc, Madame Couture, cet homme-là me ferait vivre heureuse sur les toits. Pendant que Sylvie prenait le père Goriot par-dessous le bras pour le monter chez lui, Madame Couture écartait les cheveux d'Eugène qui lui tombaient dans les yeux. Pauvre jeune homme, il est comme une jeune fille. Il ne sait pas ce que c'est qu'un excès. Ah, je peux bien dire que depuis 31 ans que je tiens ma pension, il m'est passé bien des jeunes gens par les mains, comme on dit. Mais je n'en ai jamais vu d'aussi gentil, d'aussi distingué que Monsieur Eugène. Est-il beau quand il dort? Prenez-lui donc la tête sur votre épaule, Madame Couture. Bon. Oh, il tombe sur celle de Mademoiselle Victorine. Oh. À eux deux, ils feraient un bien joli couple. Voisine, taisez-vous donc. Vous dites des choses. Il n'entend pas. Allons, Sylvie, viens m'habiller. Je vais mettre mon grand corset. Oh, bien. Votre grand corset après avoir dîné, madame, vous commettriez là une imprudence à vous coûter la vie. Oh, ça m'est égal. Il faut faire honneur à monsieur Vautrin. Vous aimez donc bien vos héritiers. Allons, Sylvie, pas de raison. À son âge. Madame Couture et sa pupille, sur l'épaule de laquelle dormait Eugène, restèrent seules dans la salle à manger. Les ronflements de Christophe retentissaient dans la maison silencieuse et faisaient ressortir le paisible sommeil d'Eugène, qui dormait aussi gracieusement qu'un enfant. Il n'a pourtant pas bu plus de 2 verres, maman. Mais si c'était un débauché, ma fille, il aurait porté le vin comme tous ses autres. Son ivresse fait son éloge. Eh bien. Ah, la jeunesse est bien belle, Madame Couture. Oh, pauvre enfant. Dors, le bien vient quelquefois en dormant. Voyez, n'est-ce pas un chérubin posé sur l'épaule d'un ange? Il est digne d'être aimé, celui-là. En les admirant ainsi, madame, je ne puis m'empêcher de penser que Dieu les a créés pour être l'un à l'autre. Mais il me semble avoir vu chez vous des lignes de prospérité. Donnez-moi votre main, mademoiselle Victorine. Je me connais en chiromancie, je dis souvent la bonne aventure. Allons, n'ayez pas peur. Oh, qu'aperçois-je? Foi d'honnête homme, vous serez avant peu l'une des plus riches héritières de Paris. Oh, votre père vous appelle auprès de lui.